Cette semaine, je n'ai aucune envie de faire l'édition du Undead Incorporated Show Réanimation. Non, aucune envie de le faire dans sa forme habituelle. Ce qui veut dire que je ne vous présenterai pas de choix musicaux, je ne vous parlerai pas de nouveautés et je ne vous entretiendrai pas non plus de cinéma ni de séries télévisées. Voici à la place un échantillonnage de ce que je vous présenterai. Pendant deux heures, je vous ferai écouter un Pink Noise et vous laverez le cerveau. Je vais vous remodeler l'esprit afin que vous soyez tous convaincus à être dorénavant des poules. Pourquoi des poules? Parce que j'aime les poules et pas vous. Bon, je n'irai évidemment pas jusque-là, mais cette semaine, j'ai inséré un genre musical que je n'ai pas diffusé depuis trop longtemps, de l'industriel. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'il préfère laver des cerveaux plutôt que ses instruments chirurgicaux et sarraux. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Good old metal. Go. Yeah. je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, cette première d'octobre, en ce 4 octobre, le nom des disgrâces, 2016. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation Canadian Razor et la pièce d'ouverture de leur premier album de 85, soit Executioner's Song, la pièce étant Take This Torch, qui à ce jour est toujours ma préférée de Razor. C'était apparu sur étiquette Road Racer. Juste avant, nous avions Possess et l'excellente Holy Hell qu'on retrouve sur le non moins excellent Seven Churches de 1985 également, qui lui est apparu sur étiquette Combat Records. Nous avions Piledriver, formation canadienne, et la pièce Metal Inquisition, pièce titre de cet album, qui est apparu sur l'étiquette Cobra en 1984. Et nous avons ouvert le bloc avec A Merciful Fate, une pièce que je n'avais jamais diffusée encore à réanimation sur Witch's Dance, qui est tirée de Time de 1994. Qu'est-ce que ces quatre formations avaient en commun? Je vous pose la question. Ouais, ben, Horace, c'est d'une évidence même. J'ai absolument rien compris de ce qu'il a dit. Ce qui est le point commun entre ces groupes, c'est qu'ils sont tous, ma foi, existants, oui, mais pour certains, très léthargiques ou peu productifs, du moins au niveau studio. Bon, Merciful Fate est le terme est on hold, c'est-à-dire inactif présentement, en attente, si vous préférez, de déterminer s'ils reprennent du service ou non. Piledriver, oui, ça existe toujours, Piledriver. Maintenant, c'est sous le nom de Exalted Piledriver, mais il faut se rappeler que Piledriver, qui n'est autre, en fait, je dirais, derrière tout ça, c'est Goldkirchen, n'a pas sorti d'album studio depuis 1986. C'est pas rien. Ils se produisent sporadiquement dans certains spectacles, mais c'est tout. Tant qu'à Possess, eh bien, deux albums au total, studio originaux pour Possess, ce dernier étant de 86 aussi, soit Beyond the Gates, qui est relativement moyen. Aujourd'hui, Possess existe toujours, mais dans une version qui est très, je dirais, remaniée. Effectivement, puisque il ne reste que Jeff Bacciara au niveau de la formation. Les autres membres sont tous des membres qui sont des musiciens qui ont soit une carrière relativement connue ou moins, qui se sont joués à Jeff pour faire des spectacles. Mais encore ici, rien de nouveau au niveau studio, rien de nouveau sous la bannière de sortie originale. Et Merciful Fate, ben effectivement, eux aussi, je l'ai dit, c'est on hold. Et Time étant c'était le quatrième avant-dernier paru en 94, le dernier étant Nine de 99, ben ça fait déjà un petit bout de temps, donc ce sont tous des formations qui, oui, existent, mais simplement. Voici, ce soir, je vous avais dit que je vous présenterai un spécial Steve Tucker. Ben, ça me tente pas. Je vous avais dit tout à l'heure, en entrée d'émission, que j'étais pour vous faire aussi une incursion vers la musique industrielle. Ben, ça me tente pas non plus. Puis, finalement, ce qui me tente énormément, là, ben, c'est de faire ce que j'avais dit que j'étais pour faire. Ben, c'est simplement ça. C'est merveilleux. J'aime beaucoup le son du pick noise. Semble-t-il que c'est très relaxant, déstressant. Je suis loin d'être convaincu. Peu importe. Non, je ferai pas ça, évidemment. J'irai le spécial Steve Tucker dans quelques instants. Je vous ai concocté effectivement un bloc d'une vingtaine de minutes qui s'adresse à la musique industrielle. Évidemment, je ne voulais pas vous perdre totalement dans l'inconnu qui les méandres tordus de cette musique. Donc, j'ai choisi des pièces qui ont une certaine connotation métal, bien entendu. Et aussi, ce soir, je vous présenterai le nouvel album de la formation Asphyx. Formation qui, ma foi, est fort intéressante. Formation que j'aime beaucoup, qui en est à son neuvième album studio qui est paru vendredi dernier, soit le 30 septembre. formation qui vient des Pays-Bas. Donc, on aura trois pièces de ce nouvel album qui porte le titre de Incoming Death, que j'ai trouvé assez bien. Pour le reste, ben, ça va être du rapissage avec des choses qui sont plus ou moins intéressantes, comme d'habitude. Mais non! J'aurai une chronique musicale et j'aurai aussi une chronique cinéma, mais pas de chronique série télé cette semaine. Donc, sans plus attendre, allons en pause publicitaire et pour tout de suite après se retrouver avec ce spécial Steve Tucker. Vous êtes assez pour l'écouter. C'est fou. En piste avec Tania Baudin, une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. À votre gauche, une émission d'actualité sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. Fier partenaire de la radio C'est fou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan offre une cuisine bistrot inspirée du marché. Pour connaître les menus de bouffe et de bière, visite letroududiable.com. Le Trou du Diable, c'est de la vraie bière, de la vraie bouffe et de vrais amis. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez c'estfou.ca. 89.1. Encore un petit peu de Pink Noise. Spécial Steve Tucker. C'est qui ça, Steve Tucker? Ben, c'est évidemment un musicien qui œuvre principalement dans le milieu du death metal. On l'a entendu avec des formations telles en. En fait, je vais survoler quatre formations, les principales avec lesquelles il a évolué, soit à court terme ou moyen terme. Je parle évidemment de. Des formations Ceremony, album qui est paru en 1993. Je parle aussi de Morbid Angel, bien entendu, de Nader Sadek et de Warfather, beaucoup plus récemment. Steve Tucker, c'est un musicien américain qui vient de Cincinnati. C'est un homme qui a 45 ans aujourd'hui, qui est né en 71, qui est un bassiste-chanteur et parfois seulement chanteur, entre autres dans Nader Sadek, et qui a un vocal, ma foi, assez puissant et particulier. Une des voix que j'aime beaucoup au niveau du death metal. Je considère Steve Tucker comme étant quelqu'un de très performant musicalement et très performant au niveau vocal. Personnellement, je ne sais pas quel genre de type il est. J'imagine que c'est quelqu'un d'assez intense ou extrême, j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, le volet qui m'intéresse principalement ce soir, c'est l'aspect musical de sa carrière. Donc, je vous propose de faire une incursion chronologiquement dans les formations avec lesquelles il a évolué, comme je le disais tout à l'heure, de façon sporadique ou, disons, avec une carrière relativement plus longue. Je vous l'ai dit, Ceremony, c'est une formation qu'il avait à l'époque instiguée avec Pat O'Brien, qui aujourd'hui, bien entendu, est dans Cannibal Corpse, en 1993, avec ce mini-album, ce EP, The Day Before the Death, qui est passé relativement inaperçu, selon ce que j'ai pu en faire comme recherche, mais qui aura quand même ouvert la porte minimalement à deux musiciens qui en ont fait une carrière. Je parle bien sûr de Morbid Angel, avec qui il a été de 1998 à 2003, soit pour les albums Formulas, Fatal to the Flesh, Gateways to Annihilation et Heretic. Mais il serait revenu avec Morbid Angel, quoi ce qu'on peut en savoir jusqu'à présent, c'est que Morbid Angel, ce n'est que Steve Tucker et Triaz Actot. Donc, rien de plan qui semble être fait, à moins qu'il n'ait pas annoncé quoi que ce soit, depuis le départ de David Vincent, de Thor et de Tim Young. Il ne restait que Triaz Actot qui a rappelé son vieux pote Steve Tucker, qui s'est rejoint à lui. Mais dans quel but, j'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, le statut est toujours existant pour Morbid Angel. Je parle aussi, bien sûr, du projet musical conceptuel Nader Sadek, qui est le nom de l'instigateur de ce personnage qui est derrière les concepts de plusieurs groupes, entre autres Black Metal. Nader Sadek, qui est aussi le nom de cette formation, qui a sorti un premier album en 2001, In the Flesh, qui mettait en vedette le vocal de Steve Tucker. Bien sûr, un excellent album de intense et brutal death metal. Et aujourd'hui, avec Warfather, dont l'album est paru le 16 septembre dernier, dont j'en ai parlé ici à réanimation, de Grey Eminence, groupe assez intéressant aussi dans le genre, je dois dire. Donc, sans plus attendre, je vous propose une pièce de chacun de ces albums ou groupes, si vous préférez, pour ce spécial Steve Tucker. Vous êtes à réanimation. Go! Call.

sacred text. Shed light on who deceived my long forsaken lies. Take heed of how they slither. Become the losers. Shed light on who deceived my long forsaken liars. The scandalous deception. They filled our heads to touch with lies. Give blind fools their guidance. A callous existence. A creature's need to control all men. Subhuman devotion to eradicate intelligence. Misguiding the feeble. Made the fat with ignorance. Like us went to slaughter. Never bleeding more. They talk to names of God, demanding your praise. They talk to countless lies. They talk to war. The Lord of killing men. These gods are priests of God to kill for you. FM. La microbrasserie de Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'émission s'appelle Assemblage requis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. Well, juste avant cette pause publicitaire, nous avons entendu ce spécial Steve Tucker qui était constitué de ce qui suit à l'instant. La formation Warfather est la pièce titre de cet album paru le 16 septembre dernier, le deuxième, soit The Grey Eminence, sous étiquette Grey Haze Records. Juste avant, nous avions Nader Sadek, première parution de cette formation, je dirais, conceptuelle, qui ne représente pas nécessairement pour le deuxième album le même alignement. Mais celui-ci est avec Steve Tucker, la pièce Soulless, qui est tirée de cet album In the Flesh, paru en 2011 sur Season of Mist. Nous avions évidemment Morbid Angel et l'excellente Opening of the Gates, tirée de l'album Gateway to Annihilation, qui est paru en 2008. L'avant-dernière sur E-Rake, l'avant-dernier album avec lequel Steve Tucker avait participé, avait joué, déçu, avant son retour l'année dernière, si je ne m'abuse, ou en début 2016, je devrais vérifier. Et nous avons ouvert avec la formation Ceremony. Ceremony qui, en tant que tel, n'ont eu que deux seules parutions, dont, entre autres, cet album officiel, mini-album EP, soit The Days Before the Death de 96, paru de façon indépendante, et la pièce étant A Sculpt Humanity. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait faire un petit tour d'horizon de ce que Steve Tucker a fait au fil des dernières décennies, effectivement, je dirais des derniers 23 ans. Et qui sait, ben peut-être qu'on va le réentendre effectivement avec Morbid Angel. Il est officiellement dans le groupe, mais c'est un duo actuellement. Je souhaite ardemment que Morbid Angel reprenne du service et qu'il nous remette un album studio incessamment disponible. Quoique la dernière fois, ça a pris pratiquement 10 ans. Bon, ben faut pas désespérer. Je vous parle de cinéma. Je vous parle de cinéma parce que j'ai vu des trucs qui étaient assez intéressants, généralement parlant. Je vous parle... En fait, j'ai un blanc de mémoire, comme ça m'arrive assez régulièrement, d'émission en émission. Je me rappelle plus, la semaine dernière, je vous avais parlé de Independence Day Resurgence, la suite, si on veut, qui est parue 20 ans plus tard, parce que l'original était en 1996, qui met, c'est un film de science-fiction, bien sûr, connotation action, qui met en vedette Liam Hemsworth, le fils de Chris, le frère de Chris, ou Thor, si vous préférez, Jeff Goldblum et Bill Pullman, entre autres, qu'on retrouvait dans l'original de 96. Cette fois-ci, la population savait que depuis toujours que les extraterrestres reviendraient un jour, que la Terre était menacée, et c'est ce qui se passe. Bon, est-ce que c'était essentiel de faire une suite 20 ans plus tard? Honnêtement, je ne le crois pas. Et je l'ai cru encore moins quand j'ai visionné le film, parce que il est totalement prévisible du début du générique à la fin. Générique est très rarement au début maintenant, mais qui est plus souvent à la fin. Mais bref, c'est pour vous dire que le film était effectivement tout à fait prévisible. Aucun effet de surprise. Des effets spéciaux, oui, très correct, mais quand même, je me serais attendu à peut-être quelque chose d'encore plus grandiose, puisque principalement, tout était misé sur ces effets. L'histoire est très banale et très, bon, oui, c'est très patriotique, comme le premier l'était. J'ai trouvé que c'était inutile, en fait, totalement inutile d'avoir fait ce film. Et honnêtement, vous êtes vraiment pas obligé de vous arrêter pour l'écouter. Vous pouvez passer directement à côté, faire autre chose. Ça ne changera absolument rien dans votre vie. Autre film qui m'a vraiment surpris, et je dois être honnête, parce que c'est un film de 2014 et que j'avais mis de côté depuis un certain temps, parce que je me disais, des films de serial killer, je suis pas fervent de ça, mis à part quelques rares titres, là. C'est toujours pareil, puis je remettais toujours le visionnement plus tard, ce qui était quand même pratiquement 2 ans. Je me suis décidé à l'écouter le week-end dernier. C'est le film porte le titre de The Town That Dreaded Sundown, ou si vous préférez, La Ville qui craint le coucher du soleil, qui est un film d'horreur, bien entendu, trailer aussi, qui est un film d'une réalisation d'Alfonso Gomez Rayon, je ne sais pas, bref, que je ne connaissais pas non plus, et qui raconte, l'histoire d'un serial killer qui revient 65 ans après avoir sévi dans une petite ville qui porte le nom de Texarkana, qui serait aux limites du Texas et de l'Arkansas. Est-ce que c'est le même tueur? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus sinistre ou plus mystérieuse? Bref, honnêtement, le film est fort correct. Relativement violent, bien entendu, parce que, bon, ce sont des meurtres en série qui sont habituellement assez crapuleux. Mais c'est assez correct, je dois dire, contrairement aux films de serial killer qu'on voit, qui ce ne sont que des massacres, des tueries sans espèce, sans aucun lien. Mais en fait, il n'y a pas de lien dans le film, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'histoire. Celui-ci, par contre, est entouré d'un scénario assez bien et quand même assez original, je dois dire. Donc, mais avec une fin qui aurait pu laisser présager autre chose, ce qui semble pas être le cas jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un moment de cinéma, je dois dire, pour le moins inattendu, et qui était assez bien. Donc, The Town That Dreaded Sundown, c'est un film que je vous recommande. Autre film que j'ai visualisé, et j'avais pas énormément d'attente pour lui, parce que c'était le troisième, une suite, si on veut, de Purge, le 3, Election Year, qui se veut être la suite du premier de 2013, qui avait été très original et fort surprenant. Le deuxième, dont j'oublie le titre, je ne me rappelle plus, mais avait probablement pas marqué, effectivement, et je crois pas que ce soit le cas non plus. Alors que le troisième, Election Year, il est bon, ce film. C'est un film qui, l'histoire de la purge, c'est une fois là, les États-Unis, le gouvernement permet pendant 12 heures, pendant la nuit, du tomber du jour au lever du soleil, si vous préférez, que les meurtres soient permis, l'élimination soit permise, les règlements de compte, les vengeances soient permises d'à peu près toutes les façons. Et il y a évidemment une ascension qui vient avec ça. Et dans ce troisième, eh bien, c'est d'actualité parce que il y a un affrontement entre deux partis politiques pour les élections présidentielles. Dont un parti qui porte un nom très différent des Républicains, mais qui pourrait à la rigueur faire office d'être Républicain. Et d'un autre côté, une sénatrice qui, elle, veut radicalement changer la nature de ses pairs qui ont une forte tendance à la corruption et qui serait à la base de cette élimination de la purge, en fait, de permettre d'éliminer la pauvreté, ce qui enlève relativement de fardeaux sociaux à l'État. Et elle s'insurge contre ça. Et elle est malencontreusement dans la mire de ses ennemis politiques qui commettent un attentat contre elle, dont elle se sauve une extrémiste avec son homme de confiance, qui est aussi son garde du corps, vais-je le dire, voilà, et qui se retrouve mêlé avec un tenancier d'une petite épicerie. Ben, c'est très bon. Je dois dire, c'est très intéressant comme film, c'est très divertissant, et évidemment, ben, faut pas s'attendre à avoir des coups de mouchoir, là, c'est un peu plus violent que ça. Donc, The Purge Election Year, c'est un film que je vous propose de regarder, de prendre le temps de le regarder, parce qu'il est intéressant, ce film. Il est même, je dirais, très intéressant. Ceci étant dit, musicalement maintenant, eh bien, oui, tout à l'heure, je vais vous proposer une incursion d'un nouvel album de Asphyx. Par contre, n'oubliez pas que ce vendredi 7 octobre, et c'est un album que j'attends énormément et que je vais vous proposer la semaine prochaine, c'est le nouvel album de la formation suédoise Gent Meshuga. Et le titre de cet album est The Violent Sleep of Reason, donc qui sortira sous l'étiquette Nuclear Blast en CD et en vinyle ce vendredi 7 octobre. Autre truc que j'ai écouté, Suicidal Tendencies, nouvel album World Gone Mad avec Mike Muir, qui est pas mal le seul de l'époque. C'est le seul de l'époque, le chanteur. C'est dispensable selon moi. J'ai été un fan de Suicidal Tendencies pour le moins pour les 3 à 4 premiers albums. Aujourd'hui, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Et Mike Muir, là, je pense qu'il étire la sauce un petit peu. C'est pas vilain, mais c'est somme toute pas nécessaire. Et autre truc, c'est pas génial là, mais bon, autre truc que je n'ai pas aimé, c'est une formation qui vient d'Afrique du Sud, que je ne connaissais pas du tout, qui semble être relativement inconnue aussi, qui donne dans un groove, un métal industriel, d'une certaine façon. Sordas, l'album étant Tarnished by Decay. C'est paru de façon indépendante et simplement en version digitale. À la base, c'est une structure qui rappelle un peu Fear Factory, c'est-à-dire que les riffs de guitare suivent énormément les double bass drums, qui sont triés, bien sûr. Souvent un beat assez saccadé, mais assez punché en même temps pour Fear Factory. Ce que Sordus semble avoir voulu imiter de façon, je dirais... peut-être pas lamentable, là, mais c'est pas un succès. Ça sonne vide. Fear Factory sonne comme une tonne de briques. Ils ont été capables d'incorporer beaucoup d'éléments qui donnent une ampleur à leur musique, alors qu'ici, pas du tout, ça sonne très vide. Et en plus, le chanteur qui porte le nom de Shane Jackson n'a aucune puissance. Et son vocal, par un manque d'efficacité, sonne... c'est mon analyse, là, bien sûr. Sonne très, très étouffé. Il n'a vraiment aucun pouvoir... capacités qui en ressortent. Donc, j'ai vraiment pas aimé Sordus et l'album Tarnished by Decay. Écoutez, vous pourrez vous en faire une opinion vous-même. C'est téléchargeable de façon tout ce qu'il y a plus legit. J'ai oublié le mot. Peu importe. C'est légal, voilà. Vous pourrez vous en faire une idée, mais je pense pas que vous devez vous attendre à avoir des miracles. On va retourner musicalement cette fois-ci avec ce que je vous avais dit. On faisait ce soir une incursion dans l'industriel à saveur métallique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux aller chercher des trucs qui sont vraiment pénibles pour ceux qui n'aiment pas l'industriel. Moi, j'aime beaucoup l'industriel, mais il y a des choses qui sont, je dirais, un peu arides là, pour les gens qui ne sont pas initiés ou qui n'ont pas de... d'affinité avec ce genre. Donc, j'ai cherché des trucs qui sont plus, dirais, d'emblée acceptables. Et puis, si c'est pas le cas, ben, genre, je m'en fous carrément parce que moi, je les aime beaucoup, ces pièces. On va entendre, entre autres, la formation Skinny Puppy, bien sûr, formation que j'aime parmi... C'est la formation que je préfère parmi toutes les styles musicales. Très particulière, formation qui existe toujours, qui a évidemment évolué et transformé un peu son son. Moi, je vous parle d'un album qui est paru en 86. On va entendre Ministry avec un grand classique de 89. Mais tout de suite, allons-y avec Frontline Assembly et une excellente pièce, Circuitry. Pièce de ce EP de 95, la version Predator Mix. Vous êtes à réanimation jusqu'à 21h. Let's go! Vous êtes assez c'est fou.ca 89.1. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchot avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est nullement nécessaire de vous dire que vous êtes à l'animation des Undead Incorporated Show. Vous venez de l'entendre en publicité. Hey, si c'est pas du chauvisme, c'est quoi ça? On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, un spécial de plus de 21 minutes qui était consacré à l'industriel à tendance métallique. On vient d'entendre il y a quelques instants l'extraordinaire formation Skinny Puppy. Je dis extraordinaire parce que plusieurs d'entre vous ne devraient probablement pas comprendre pourquoi je dis ça. Généralement, les amateurs de métal n'aiment pas Skinny Puppy. Généralement, les amateurs de rock n'aiment pas Skinny Puppy. Généralement, les amateurs de musique n'aiment pas. Non, c'est faux. Mais c'est une musique qui ne se comprend pas. C'est une musique qui se vit. C'est une musique qui doit nous apprivoiser. Et c'est ce qu'elle a fait avec moi il y a de bon nombre d'années. La pièce est en Deguette, qui est apparue sur un single de 1986. Il y avait une vidéo fort intéressante, très gothique, qui accompagnait cette pièce Deguette. Et à la fois Skinny Puppy, parfois très minimaliste, parfois très, je dirais, plein. En fait, on voyage d'un extrême à l'autre avec eux. Moi, j'adore littéralement. Juste avant, ce qu'il faut savoir de Skinny Puppy, c'est que c'est principalement Navek Org et Seven Key qui sont derrière ça. C'est un duo auquel s'est greffé par la suite Dwayne Gottel, qui est décédé aujourd'hui. Et maintenant, principalement pour les spectacles, se greffe à eux un batteur, un vrai batteur, non pas Drum Machine ou... sampling, mais un vrai batteur et un véritable, généralement bassiste et guitariste à la fois. Juste avant, nous avions Ministry. Ça, c'est Al Jorgensen, bien sûr, Ministry. Et la pièce Burning Inside, excellente pièce de ce que je crois est encore le meilleur album de leur discographie de 1989, soit The Mind's a Terrible Thing to Taste, qui était paru sur Sire. Ministry existe toujours, puisque cette année, ils ont lancé un nouvel album. C'est cette année ou à la fin de l'an dernier, je suis pas certain, mais c'est récent. Je n'ai pas tellement apprécié. Je trouve que le band joue beaucoup trop dans l'extrême vitesse maintenant par rapport à ce qu'il devrait être. Mais bon, c'est un choix personnel, je suppose. Et on a ouvert avec une formation canadienne également, comme Skinny Puppy à l'origine, soit Frontline Assembly, qui mettait en vedette, bien sûr, Bill Leeb et Russ Fulber. Et la pièce étant Circuitry, la version Predator Mix de ce EP, ce mini-album Circuitry de 1995, qui était paru sur Offbeat. On retrouvait aussi des remixes de Hot Job dessus, je crois, entre autres. Mais c'est vraiment celle-là qui est la plus intéressante pour ceux qui aiment avoir l'aspect guitare de la chose. Oui, c'est ça, voilà. Bon, ceci étant dit, je vous rappelle que la semaine prochaine, je vous présenterai le nouvel album de Meshuga, qui porte le nom de The Violent Sleep of Reason, qui sortira ce vendredi, soit le 7 octobre. Et en parlant de vendredi, ben, c'est rock classique pour les amateurs de vrai rock. En compagnie de mon ami Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur Dr. Pain Pendragon. Ici même, c'est fou, 89.1 FM, sur, qui débute à 11h pour se terminer à 17h, donc 6h de véritable rock, dans lesquelles on fait beaucoup de choses, Rockmaster et moi. Donc, cette semaine, entre autres, il vous proposera des albums classiques, comme, entre autres, Rain in Blood de Slayer, bien sûr, qui soulignera le 30e anniversaire de sa sortie ce vendredi, donc 30 ans ce vendredi que Rain in Blood est paru, ainsi que l'album Electric Warriors de T-Rex, qui est paru en 1971. Des nouveautés qui sont le nouvel album des Australiens de Airborne et ainsi une formation obscure Beggar's Opera, évidemment la chronique de la fonte chez les amateurs de rock, les éphémérides, les beaux programmes d'antan, ça passe ou ça casse, toutes sortes de choses qui sont pas mal cinglées par moment, mais dans un format de 6 heures qui est complètement éclaté. Donc, ce vendredi dès 11h, c'est rock classique. Et n'oubliez pas non plus que si vous êtes amateur de métal, ben, je sais, vous écoutez Réanimation, mais vous pouvez écouter aussi mon ami DJ Tower of Death avec son émission Subversion tous les vendredis de 18h30 sur les ondes Underground, les ondes sur Underground Québec, oui voilà, sur Underground Québec, et vous pouvez avoir les balados de diffusion ou podcast si vous préférez, je dirais souvent très peu de temps après, en heures, ça se compte même sur SoundCloud, et si vous voulez aller lire les délires de mon ex-assistant et toujours camarade Sinistros, eh bien je vous invite d'aller voir son blog hurlemort.com, sur lequel Sinistros chronique des albums qui sont pas nécessairement juste métal, qui peuvent être aussi de divers genres musicaux, des appréciations cinématographiques et de séries de télévision ou autres choses peu intéressantes comme le reste finalement. You're the man, Sinistros. OK. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec la nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine, oui! Cette fois-ci, on parle d'une formation qui vient des Pays-Bas, Asphyx, qui en sont à leur 9e album studio complet et qui met en vedette le vocal d'un des chanteurs métal qui, pour moi, est l'un des plus différents, pour le moins, original, et un que j'aime énormément, c'est Martin Van Dranen, qui est aussi un ex-Hail of Bullets, entre autres, et je crois qu'il est toujours dans Grand Supreme Blood Court, si je ne me... Oui, absolument. Dernier album paru pour ce band, par contre, en 2014. Probablement des choses à venir. Asphyx, c'est une formation qui donne dans un death doom metal et qui survole divers, je dirais, sujets qui sont l'occultisme, mais ça, c'était plus précédemment. Maintenant, c'est plus l'aspect de la guerre, la mort et de tout ce qui s'en découle, bien entendu, c'est-à-dire des choses plus intéressantes. Et ce nouvel album... Incoming Death, qui est paru vendredi dernier, soit le 30, sous étiquette Century Media, eh bien, je le trouve fort intéressant. Mais spécialement pour les pièces qui sont plus downbeat. Ils ne sont pas nécessairement très lourdes et pesantes, mais les pièces qui ont tendance à avoir un beat plus accéléré, ceux-là, une petite réserve, mais je vous donne un échantillonnage de 3 pièces qui sont vraiment très emblématiques de la qualité de cet album-là. On va entendre dans l'ordre de Feeder, It Came From The Sky et Forerunners of the Apocalypse, tiré de Incoming Death. Voici Asphyx. Go! Disaster, never die. collision. Impacted eyes. Impacted eyes. 20h54, l'émission s'achève. On vient d'entendre à l'instant trois extraits de ce peut-être pas très bon album, mais pour le moins bon album de Asphyx. Le titre étant Incoming Death, qui vient de paraître la semaine dernière sous étiquette Century Media. On vient d'entendre la pièce Forerunners of the Apocalypse. C'était précédé de It Came from the Skies et en ouverture de ce triplé de Feeder. J'ai tiré trois extraits qui m'apparaissent être les plus emblématiques de cet album, de ce mid-tempo, de ces pièces mid-tempo, parce que comme je le disais d'emblée avant le bloc, les pièces qui sont plus rapides pour cet album m'ont moins plu. Par contre, des pièces rapides sur les albums antérieurs de Asphyx, il y en a d'excellentes. Mais ici, c'est vraiment les pièces plus mid-tempo qui ressortent à mon humble avis. Juste le temps de vous dire que dans quelques minutes, c'est Matière Noire qui poursuivra sur les ondes de C'est Fou. Que je vous rappelle d'écouter Rock Classique ce vendredi dès 11h en compagnie de mon ami le Rockmaster et de votre humble serviteur. D'écouter aussi l'émission Subversion de mon ami DJ Tower of Death sur Underground Québec et de suivre le blog de Sinistrose avec hurlemort.com. On se laisse sur une dernière pièce qui est de la formation Decapitated, tiré du dernier album Blood Mantra, soit la pièce Veins. Et d'ici là, je vous dis évidemment, c'est un excellent conseil que je vous donne d'ailleurs, comme à toutes les semaines, d'aller toujours faire foot. See you!